sont des images qui ont frappé l'opinion publique internationale, des images inoubliables. Alors que le monde célébrait les fêtes de fin d'année, on voyait soudain apparaître sur nos écrans de télévision un couple, une femme et un homme, deux vieillards interrogés et jugés par des magistrats invisibles, des inquisiteurs anonymes en face desquels les deux accusés opposaient une résistance inattendue et une incontestable dignité. Et bientôt, au bout d'une petite heure, la sentence tombait, deux condamnations à mort. Les exécutions suivaient aussitôt. Mais sur le film, on n'assistait pas à la scène. On ne voyait que sa conclusion, deux corps gisant près d'un mur, les cadavres de Nicolas Ceausescu et de sa femme Elena. Et malgré le peu de sympathie qu'inspirait ce couple de dictateurs, on avait honte d'avoir assisté à ce simulacre de justice. C'était il y a plus de 10 ans, à la fin du mois de décembre 1989, le temps fort d'une révolution qui s'est déroulée en direct à la télévision et qui a donné lieu à un déluge de fausses nouvelles et à une formidable opération de désinformation. À tel point qu'aujourd'hui, on peut légitimement se demander si cette révolution roumaine était réellement une révolution ou bien un immense trucage qui n'avait pour but que de liquider la dictature trop voyante et plus trop présentable de Ceausescu, sans porter atteinte au fondement même du régime communiste. Dans cette affaire, il est évident que les services secrets ne sont pas restés inertes. Et c'est pourquoi j'ai demandé à M. X s'il avait des informations inédites sur ce qui n'était peut-être qu'une pseudo-révolution. Rendez-vous avec X. Soyons clairs, dans les services, nous savions dès le début de l'année 1989 que les jours de Ceausescu étaient comptés. Donc presque un an avant sa chute. Exact. Ouais. Et d'où venait cette précieuse information? Écoutez, n'allons pas trop vite, s'il vous plaît. Je devais y attendre. C'est votre faute, vous êtes toujours trop pressé. Ah, bah, naturellement. Alors, enfin, voyons ce qui s'est passé. Un mot d'abord sur Ceausescu. En 1989, il vient tout juste de dépasser les 70 ans. Cet ancien cordonnier a adhéré très jeune au Parti communiste. Cordonnier. Ouais, ça lui a valu, avant la Deuxième Guerre mondiale, d'être incarcéré au moins à deux reprises. Et quelle place, à ses débuts, occupe-t-il dans l'appareil? Il grimpe très vite les échelons et à la faveur de la prise du pouvoir par le parti en 1947. Ah, c'est Staline. Évidemment. Donc Ceausescu, dans la toute nouvelle démocratie populaire, va prendre du galon. Il sera même plusieurs fois ministre avant de succéder à la tête du parti au numéro 1 roumain, George Iudeș. Ouais, en quelle année ça, déjà? 1965, je crois. Mm-hmm. Et tout de suite, Nicolas Ceausescu se révèle être un modéré. Un modéré, c'est-à-dire? Il fait libérer, par exemple, les prisonniers politiques roumains. Et il conduit une politique économique efficace, puisque son pays a alors le plus fort taux de croissance en Europe. En même temps, il semble prendre ses distances avec le bloc soviétique. C'est au moment de la répression du printemps de Prague. Non seulement il refuse d'envoyer des chars en Tchécoslovaquie aux côtés des autres contingents des forces du pacte de Varsovie, mais il condamne l'invasion soviétique. C'est à partir de là qu'on commence à parler de lui comme d'un De Gaulle de l'Est. Je me souviens en effet que beaucoup de dirigeants du camp occidental le considèrent alors très favorablement. Hein. C'est vrai. Nixon, De Gaulle entretiennent de très bons rapports avec lui. Parce qu'il est indépendant de Moscou. Bien sûr. Même si, à mon avis, cette indépendance est très relative. Ceausescu n'est quand même pas un nouveau Tito. Ouais. Pourtant, il va y avoir son flirt avec, avec Pékin. Hein. Un flirt qui est une sorte de provocation pour l'URSS. C'est juste. Au début des années 70, le dirigeant roumain se rend en voyage officiel en Chine populaire. Et il est séduit. Séduit par la révolution culturelle? Oui, et ça va avoir pour la Roumanie des conséquences très importantes. Et disons-le franchement, catastrophiques. Attendez, parce que Ceausescu va adapter à son pays les recettes maoïstes? Nous n'exagérons quand même pas. Mais il est vrai que certaines de ses initiatives les plus désastreuses, entre autres, comme la destruction du vieux Bucarest ou encore celle de nombreux villages, ont dû sûrement être inspirées par son voyage en Chine. Ceausescu, à l'image de Mao, voulait créer un nouvel homme. Ni rural, ni urbain, un homme vivant dans des demeures collectives, tout entier attaché au service de l'État et n'existant que par celui-ci. Ouais, 1984, on se rend. Oui, on n'est pas très loin d'Orwell. Surtout quand on songe que Ceausescu avait mis en place un formidable système de surveillance des citoyens. La Securitate. C'est ça, une police secrète, militairement, très bien équipée et qui était toute puissante dans le pays. Rien ou presque ne lui échappait. car il disposait d'une nuée de mouchards dans toutes les strates de la société. Rendez-vous compte, près d'un Roumain sur 15 travaillait pour la sécurité, tout la renseignait. C'est énorme. C'est encore mieux que la Stasi, si je puis dire. Oui, ça permettait à Ceausescu de diriger la Roumanie d'une poigne de fer. Aucune opposition possible, donc. Aucune, non. La presse elle-même était étroitement contrôlée, et à l'intérieur même du parti, Ceausescu, grâce à des séries de purges, régnait en maître. Naturellement, ce régime dictatorial en était venu à développer un incroyable culte de la personnalité. Ceausescu se faisait appeler le conducator. Le conducteur. Un titre que d'autres dictateurs roumains d'extrême droite avaient utilisé avant la guerre. Mais dans la presse ou dans les publications du parti, ses fidèles l'appelaient aussi communément le Danube de la pensée ou encore le génie des Carpates. Pas moi. Et non. Ce pouvoir sans partage s'accompagnait bien sûr d'un népotisme éhonté. Le conducator avait casé la plupart des membres de sa famille, à commencer par son épouse Elena, dont il avait fait son vice-premier ministre. C'était donc un couple, au fond, qui dirigeait le pays. Oui, Elena était très ambitieuse et très autoritaire. D'une façon assez ridicule, elle s'était autoproclamée académicienne et s'était décerné un titre de docteur en chimie, ce qui lui permettait de signer des livres scientifiques écrits par d'autres, bien sûr. Tout cela franchement caricatural. Enfin, j'imagine que les Roumains n'étaient pas dupes. C'est certain. Même si Ceausescu a longtemps été populaire, en particulier à cause de sa politique d'indépendance vis-à-vis de Moscou. Mais au fil des années, la situation s'est dégradée et la vie quotidienne des Roumains est devenue de plus en plus difficile. Mais pour quelle raison exactement? La collectivisation à outrance, d'abord. Une catastrophe pour l'agriculture. Et puis, Ceausescu, toujours dans un souci d'indépendance, s'est mis en devoir de rembourser à tout prix la dette extérieure considérable de la Roumanie. Cette recherche forcenée de devises étrangères s'est traduite par un appauvrissement du pays et des restrictions de toutes sortes pour la population. Imaginez que le pouvoir avait décidé de façon autoritaire que la température dans les appartements ne devait pas dépasser 14 degrés. Mais dans un pays aux hivers quand même relativement rigoureux. Oui. Mais la population subissait sans protester? Pas facile et très risqué de protester sous un régime policier et dans un pays où la délation est généralisée. Et puis les rares dissidents, souvent des intellectuels, doivent choisir entre l'exil ou la prison. Seuls les mineurs qui sont traditionnellement très puissants en Roumanie ont osé faire grève à la fin des années 70. Mais en 87, plusieurs faits démontrent que quelque chose est en train de changer. C'est-à-dire des menaces contre la dictature de Ceausescu? Oui, il y a d'abord un voyage de Gorbatchev en Roumanie. Disons tout de suite, en 87, c'est déjà le temps de la perestroïka en URSS. Exact. Et Ceausescu et Gorbatchev se regardent en chien de faïence. Surtout lorsque le numéro 1 soviétique plaide ouvertement pour une libéralisation du système roumain. Le conducteur n'est pas du tout prêt à appliquer la perestroïka chez lui. Et il le fait savoir à Gorbi. Pour autant, c'est pas encore la rupture. Non. Ceausescu, même s'il le regrette, ne peut pas se passer de l'URSS, dont l'économie roumaine dépend étroitement. Perestroïka ou pas, Moscou demeure l'indispensable grand frère. Autre fait inquiétant pour Ceausescu? À la fin de cette même année 87, en novembre, si mes souvenirs sont bons, on assiste à une véritable révolte à Brasov, une grosse ville industrielle au nord de Bucarest. Une révolte dirigée contre Ceausescu? Oui, puisque des portraits du dictateur sont brûlés par les émeutiers. La raison essentielle, c'est que le gouvernement vient d'annoncer un nouveau tour de vis. Restrictions sur le charbon et les salaires. Aussitôt, les ouvriers, mais aussi certains cadres, descendent dans la rue et pillent quelques édifices publics. Et au moins 2 policiers sont tués. Comment réagit le pouvoir de Ceausescu? Le conducteur envoie l'armée. Et il y aura des morts. Les émeutiers sont donc matés, mais cette victoire en force va laisser de profondes cicatrices. Pour la première fois, des citoyens roumains ont osé massivement affronter dans la rue le régime et son chef. On s'en souviendra. C'est en fait la vraie rupture entre la dictature communiste et la classe ouvrière. Pour Ceausescu, c'est donc une sorte de victoire à la Pyrrhus? C'est ça. Enfin, je voudrais vous parler du troisième fait. Il est très curieux. Attendez, on est toujours là en 1987? Toujours, oui. Un certain Silviu Brocan, à la suite des émeutes de Brasov, transmet un texte très critique vis-à-vis de Ceausescu à une agence américaine. Qui est ce Brocan? C'est un personnage qui compte. Il a été rédacteur en chef du Parti à la Libération, puis il a occupé diverses hautes fonctions avant d'être nommé ambassadeur à Washington. C'est donc un vétéran du Parti communiste. Tout à fait. Et comment réagit Ceausescu à la publication de ce texte critique? Modérément, très modérément. Brocan est simplement placé en résidence surveillée. C'est pas très méchant. Et c'est ça qui vous semble curieux? Oui. N'importe quel autre opposant qui aurait osé critiquer Ceausescu et qui plus est dans un organe de presse occidental aurait été immédiatement arrêté. Ça veut dire que Broukhane, homme prudent et avisé, a donc pris un risque très calculé. Et il a une bonne raison de le croire. Ah ben, dites-moi quoi alors ? Parce qu'il dispose d'un puissant talisman. Talisman, qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque semaine, Broukhane reçoit la visite du correspondant permanent de l'agence TASS à Bucarest. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Au printemps 1987, en visite en Roumanie, Gorbatchev fait donc la leçon à Ceausescu. Le dictateur doit subir la remontrance sans broncher car son pays est de plus en plus dépendant de l'URSS. Voici par exemple ce que je lis dans l'Histoire des Roumains de Catherine Durandin, paru en 1995 chez Fayard. La réflexion ouverte sur la réforme qui s'affirme depuis 1983 en Union soviétique n'a pas cours en Roumanie. Et pourtant, les réalités économiques imposent une dépendance accrue à l'égard de l'URSS. Dépendance qui débouche sur des remontrances des soviétiques à l'adresse d'une Roumanie qui ne répond pas aux attentes de son partenaire. La presse roumaine tait cette coopération significative de la dépendance roumaine. Comment annoncer à une population qui souffre de la pénurie alimentaire, que des exportations importantes de produits agricoles sont dirigées vers l'Union soviétique? Comment expliquer à une opinion que l'on dresse à défier un Occident décadent que la technologie occidentale est trop onéreuse et que les marchés occidentaux sont trop exigeants pour absorber une production industrielle roumaine dont la qualité baisse faute d'investissement technologique? Que signifie cette visite hebdomadaire du correspondant TASS à Silvio Broukhane ? Les journalistes de TASS, vous le savez bien, n'étaient pas tout à fait des journalistes comme les autres. Hein. Bon, ils étaient en quelque sorte la voix de l'URSS, pour reprendre une expression qui a fait florès chez nous. Mais souvent, c'était aussi des agents. Des espions, quoi. Naturellement. Alors, il n'est pas très difficile de décrypter cette affaire. En envoyant toutes les semaines le correspondant TASS chez Broukhane, Moscou entendait dire à Ceausescu, pas touche. C'est important parce que ça veut dire que Gorbatchev protégeait quasi officiellement un opposant avéré du dictateur. Exactement. Mais allons plus loin. Ce Broukhane, assigné à résidence, comme je vous le rappelle, va recevoir l'autorisation l'année suivante de voyager à l'étranger. Ouais, il va sans doute aller voir ses protecteurs soviétiques. Ah, pas seulement. Cet ancien ambassadeur qui connaît bien l'Occident se rend à Washington, puis à Londres. Et je pense qu'il n'y fait pas seulement du tourisme. Non. Dans ces deux capitales, il rencontre des gens importants, proches du pouvoir. Et d'après ce qu'on a pu en savoir, il explique à chaque fois que la coupure est telle entre le peuple et le conducteur que la chute de celui-ci est inéluctable. Mais va-t-il jusqu'à demander qu'on l'aide à renverser Ceausescu? Non, il ne va pas jusque-là. Mais il laisse entendre qu'un peu de compréhension ne serait pas inutile. Enfin bref, comme on dit aujourd'hui, il faudrait mettre la pression sur Ceausescu. Et c'est ce qui se passera puisque le dictateur roumain sera mis en accusation par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. A noter d'ailleurs que l'URSS ne s'opposera pas à cette mise en accusation et son représentant se contentera de s'abstenir. Voilà un message qui est clair. Hein. Et Broukhane, lors de son voyage en Occident, ne cachera pas que Gorbatchev, en personne, soutient son action. Gorbatchev qui a donc décidé d'en finir avec Ceausescu. C'est évident. Et c'est comme ça, j'imagine les services là, que vous apprenez que Ceausescu est condamné à terme. Bien entendu. L'information circule très vite dans les chancelleries et les services secrets, mais nos propres informations nous permettent de prévoir la fin de Ceausescu. Ah ben, quelles informations alors? Je vous ai demandé un peu de patience. Oui. Bon, reste à savoir comment on va se débrouiller pour éliminer le conducteur. En tout cas, dès la fin de l'hiver 88-89, Broukhane, toujours lui, allume la mèche de la bombe. De quoi s'agit-il, ça, la mèche là? Eh bien, il est à peine revenu en Roumanie que dans la presse occidentale, on fait état d'une mystérieuse lettre envoyée à Ceausescu par 6 vétérans du parti. Une lettre violemment critique. Broukhane fait partie des signataires? Oui, et il en est l'initiateur. Et donc il prend un nouveau risque. C'est certain, mais il est toujours protégé par Gorbatchev et sa tournée occidentale l'a conforté. Il sait qu'il est désormais pratiquement intouchable. Comment réagit Nicolae Ceausescu? Bon, on a l'impression qu'il fait le gros dos. Enfin, plus vraisemblablement, il n'ignore pas qu'il est menacé. Mais il est persuadé qu'il tient encore fermement le parti et son bras armé, la redoutable Securitate. Et d'ailleurs, fin novembre, le conducteur, lors du congrès du parti, est réélu à l'unanimité, secrétaire général et président de la République. Fin novembre 89, donc très peu de jours avant sa chute. Vous avez une explication? Ces congrès sont des grands messes où tout est écrit à l'avance. Les délégués qui s'y expriment parlent même en playback. Ce qui signifie... Eh bien, leurs discours sont enregistrés à l'avance et à la tribune, ils ne font que mimer leur propre texte. Et aucune mauvaise surprise possible. Non, la cérémonie est bien verrouillée. Il n'y a pas de risque. Et pourtant, le processus qui va conduire à l'élimination de Ceausescu est déjà en marche. Là encore, ça va se passer de façon très bizarre. Mais un mot auparavant. Mm-hmm. Il faut tenir compte du fait qu'un peu partout en Europe de l'Est, les régimes communistes viennent de s'écrouler. Oui, ce qu'on a appelé la révolution de velours. Oui, et la plupart du temps, c'est Gorbatchev qui a poussé à la roue et qui a tenté de placer au pouvoir des réformateurs proches de lui. Mm. Il y a eu aussi la chute du mur de Berlin. Hein. Le 9 novembre 1989, oui. La conséquence, c'est que le dictateur roumain est de plus en plus isolé au sein de cette Europe, autrefois muselée par le Kremlin. Mm. Revenons à ce que vous disiez, ce processus bizarre. Hein. Tout commence dans une ville proche de la frontière hongroise. Ah, je pense qu'on va parler de Timișoara. Oui, dans la région, il existe une forte minorité hongroise, très remarquable. Parce que ces Hongrois demandent leur rattachement à la mère patrie. Hein. Évidemment, un homme, un pasteur protestant, Laszlo Tokes, entend symboliser cette revendication. Il est populaire ? Relativement. Et en octobre 89, ce gêneur est prié par sa hiérarchie d'aller exercer son ministère ailleurs qu'à Timișoara. Mais il refuse cet exil et s'enferme dans son temple. C'est supérieur, votre avion. On agit sur ordre des autorités politiques ? Oui, en Roumanie comme dans d'autres pays de l'Est, les autorités religieuses ont souvent collaboré sans état d'âme avec les communistes. Et dans ce cas précis, c'est la Securitate qui a fait pression sur l'évêque de Tokes. Mmh. Le pasteur est donc, à partir de ce moment-là, retranché dans son temple. C'est ça. Ouais. Et très étrangement, on lui fait savoir que la Securitate va l'arrêter à la mi-décembre. Je ne sais pas ce qu'il y a d'étrange là-dedans, moi. Parce que d'habitude, en Roumanie, on n'est jamais prévenu à l'avance qu'on va être arrêté. Ah bon ? Alors, c'est qu'il y a une fuite, alors. Ah, une fuite délibérée qui va mettre le feu aux poules. Parce que dès le 15 décembre, les partisans du pasteur Tokes forment une sorte de chaîne humaine autour du temple. Mais pour faire obstacle à son arrestation. Naturellement. Mais c'est une manifestation parfaitement pacifique. Or, en même temps, des actes de vandalisme sont perpétrés au centre-ville. Des débordements qui dégénèrent très vite en émeutes et en manifestations dirigées contre le gouvernement. L'armée intervient. D'abord impuissante, elle va finir par tirer à balles réelles sur les manifestants. Oui, il y aura des morts. Hein. Oui, des deux côtés. Mais ce n'est pas malheureusement le plus important. Ce qui compte, c'est le retentissement donné à cette affaire par la presse. Et la presse, quelle presse ? Sur ordre des autorités roumaines, le pays est bouclé. Et les seules sources d'information sont les télévisions et les agences de presse des pays voisins, Hongrie et Yougoslavie, qui sont relayées par La Voix de l'Amérique ou Radio Free Europe. Oui, c'est-à-dire des radios américaines. Oui, or très vite, ces organes de presse évoquent des milliers de morts. D'ailleurs, tout le pays serait embrasé par les émeutes et soumis à une répression des plus féroces. Alors qu'il n'en est rien. En tout cas, c'est exagéré dans des proportions inimaginables. Le clou étant la supercherie du fameux charnier de Timișoara. Ouais. Quelques cadavres extraits de la mort. Ouais, c'est ça, oui. Il y a donc eu manipulation. C'est évident, il fallait donner l'impression que la dictature du camp du 14 se livrait à de véritables massacres. Mais pour mieux justifier l'élimination de ce dernier. Oui, mais le point de départ de cette manipulation, c'est l'affaire du pasteur Tokes. Une affaire montée de toutes pièces. Comment pouvez-vous être si affirmatif ? C'est très simple. Tokes, refusant de quitter sa paroisse, est donc à l'origine des événements de Timișoara. Enfin, même s'il n'est pas responsable des événements qui vont suivre. Or, le 22 décembre, c'est-à-dire le jour même où Ceausescu va être déchu, il accepte bien gentiment de partir comme son évêque lui a demandé dès le mois d'octobre. Curieux, non ? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les milliers de morts, le charnier de Timișoara. Sans guère de précaution, la presse occidentale a accrédité les informations fournies par des sources hongroises, yougoslaves et par des radios contrôlées par les États-Unis, Radio Free Europe et La Voix de l'Amérique. Mais dès le début du mois de janvier, ces informations sont remises en cause. Et voici ce qu'on peut lire dans Le Monde, daté du 5 janvier 1990, sous la plume de Thibon Cornillot-Michel. Dénombrer les morts, les blessés, c'est là une sinistre comptabilité. Mais c'est aussi une des dimensions des événements, de leur violence, de leur impact meurtrier. La chute de Ceausescu n'échappe donc pas à cette recherche, d'autant plus que les chiffres des pertes, 60 000 officiellement, sont si considérables qu'ils ont en quelque sorte tétanisé l'opinion publique des pays occidentaux. Pour réussir un tel travail d'estimation, mieux vaut alors être sur place, mener son enquête auprès des témoins directs, des responsables des hôpitaux, des médecins. Ce travail, mené par nous à Bucarest les lundis 25 et mardi 26 décembre, a consisté à interroger les responsables des organisations humanitaires réunies pour la plupart à l'école française, de nombreux médecins roumains et les responsables de l'hôpital d'urgence de la ville. Pour Bucarest et ses environs, les chiffres avancés par les représentants de ces sources différentes convergent sur un point, moins de 500 morts. D'autre part, les chiffres avancés par Bernard Kouchner, 766 morts pour tous les hôpitaux de Roumanie, 364 pour Bucarest, paraissent fiables. 1000 morts donc, au lieu des 60 000 annoncés, même si c'est beaucoup, on est loin du génocide annoncé. Donc si je résume bien votre pensée, le pasteur Tocquès n'a été qu'un instrument, mais alors, qui l'a manipulé ? Les mêmes que ceux qui ont mis en œuvre cette opération de désinformation sur le chiffre des morts. Il s'agit, soyons clairs, d'une manœuvre parfaitement concertée. Le scénario a été écrit des mois à l'avance. Et les acteurs vont l'interpréter au mot près. Aucune improvisation. Non, contrairement à ce que prétendront les hommes qui vont accéder au pouvoir après la chute de Ceausescu, il ne s'agit nullement d'une révolution spontanée. Je veux bien vous croire, mais il faut quand même me donner d'autres arguments que cette prétendue manipulation du pasteur Tocquès. D'accord. Alors, voyons le film des événements. Ok. Ceausescu, qui n'a pas pris la mesure réelle de la gravité de la situation, a commis une erreur fatale. C'est d'ailleurs la seule chose que les comploteurs n'ont pas prévue. Il refuse d'annuler une visite officielle en Iran. Mais dès qu'il revient à Bucarest, le 20 décembre, il se croit capable de reprendre la situation en main. Comment ? Mais il remet au pas quelques fidèles qui lui ont manqué dans l'armée ou la sécurité. Mais surtout, il compte sur son charisme personnel. Et à peine rentré, le candidateur organise le 21 décembre une gigantesque manifestation qui doit lui permettre de retrouver les ferveurs de la foule. Est-ce qu'il pense que les gens viendront l'applaudir ? Dans la Roumanie de Ceausescu, les gens n'ont guère le choix. Des cars, des camions viennent les chercher jusque sur leur lieu de travail. Meeting obligatoire. Ça. Avec applaudissements, préenregistrés et sévère encadrement de la sécurité. Ah, c'est plus sûr. Hein. Mais ce jour-là, la machine si bien huilée a de sérieux ratés. Pourtant, au début, ça commence bien, comme d'habitude, je veux dire. Ce qui signifie ? Bien, comme prévu, la place du comité central est envahie par des milliers de personnes et les premiers orateurs prononcent des discours sans surprise qui condamnent les événements de Timisoara. Des événements provoqués par des éléments fascistes instrumentés par l'Occident. Ah, bien sûr. Et la foule Rien. Hein? Rien, tout le monde attend Ceausescu. Ouais, c'est la vedette, hein? C'est ça. Et enfin, il paraît. Sa femme, Elena, à ses côtés, mais à peine a-t-il commencé à parler que la foule commence à s'agiter et à crier. Quelques spectateurs quittent même la place en hâte. Manifestation d'hostilité? Pas encore, non. Mais on a entendu dans les haut-parleurs des cris et des crépitements d'armes automatiques. C'est une bande enregistrée? Naturellement. Et sur la place, les gens ont pris peur. Ils ont l'impression qu'on leur tire dessus comme à Timisoara. Mais qui peut avoir diffusé cette bande? Qui avait la haute main sur ce genre de manifestation? Le grand organisateur, c'est-à-dire la Securitate. La Securitate qui trahit donc délibérément Ceausescu. C'est la vérité. Et à partir de ce moment, la fin du meeting est pitoyable. Le conducteur est complètement dépassé. Il a beau faire des promesses d'augmentation des salaires, la foule le conspue. D'autant que surgissent soudain au milieu des gens des pancartes hostiles à Ceausescu, du jamais vu en Roumanie. Encore la sécurité ? Ça me paraît évident. Mais alors, que font les forces de l'ordre ? L'armée va intervenir contre les manifestants, mais en vain. Ce sont les opposants qui tiennent la rue. Et d'ailleurs, bientôt, les militaires vont bientôt fraterniser avec les insurgés grâce à une nouvelle manipulation. Expliquez-moi alors. Le 22, c'est-à-dire au lendemain de ce meeting raté, alors que les opposants au régime sont toujours dans la rue, la radio roumaine annonce le suicide du général Milea, le ministre de la Défense. C'est un vrai choc pour tous les officiers. Pourquoi ? Parce qu'ils traduisent aussitôt l'information. C'est Ceausescu qui l'a suicidé. Ceausescu qui lui reprochait sa tiédeur face aux manifestations. Et vous, vous connaissez la vérité ? Écoutez, je vais vous faire un aveu, je ne la connais pas. Voilà pour une fois bien modeste. Tant pis, mais si on regarde objectivement les choses, à qui profite le crime ? Aux comploteurs qui veulent se débarrasser du conducteur. Car dès l'annonce de la mort de Milea, l'armée tout entière bascule dans leur camp. Mais c'est grave ça, parce que vous laissez donc penser que ce général aurait pu être abattu en réalité par ceux que vous appelez les comploteurs. Ça vous semble invraisemblable ? C'est pas à moi d'avoir un avis, hein. D'accord. En tout cas, Ceausescu, sans le soutien de l'armée et d'une partie de la Securitate, est maintenant condamné. Mais il ne reste plus qu'une issue, fuir, hein? Oui, c'est ce qu'on a dit. Les manifestants qui marchaient le 22 décembre sur le palais présidentiel ont vu s'envoler un hélicoptère blanc. À bord, il y aurait eu Nicolae Ceausescu, sa femme Elena et leur garde du corps. Oui. Et ensuite, si je me souviens bien, le pilote les aurait trahis et se serait posé en pleine campagne. Obligeant les Ceausescu à faire de l'autostop pour fuir, mais reconnus, ils auraient été arrêtés. Exactement comme Louis XVI et Marie-Antoinette à Varennes. Oui, mais enfin, cette version me semble improbable. Si Ceausescu avait vraiment voulu fuir, il l'aurait pu. Sous la menace au besoin, le pilote de l'hélicoptère aurait pu, en 2 heures, le transporter lui et son épouse hors des frontières du pays. Non, je crois que cette fuite est une nouvelle fable. Pourquoi alors cette fable? Elle ajoutait à la vilainie du personnage. La fuite, c'est un aveu, l'expression de la lâcheté. Mmh. Puis il y a eu ensuite ce procès filmé dont tout le monde se souvient. Oui, un film tronqué sur un procès stalinien où les prétendus avocats de la défense sont encore plus impitoyables que le procureur. Non, tout ça, une nouvelle fois, ressemble à une pièce écrite à l'avance. Et moi, ce qui m'interroge, c'est le suicide. Encore un, oui. Le suicide de l'accusateur du procès Ceausescu, le général Popa. 3 mois seulement après cette étrange révolution, en mars 1990, pourquoi ce général s'est-il donné la mort? Quel remords le poursuivait ou quel secret détenait-il? Et vous pensez que lui aussi aurait pu être éliminé? On peut se poser la question. Mais les événements roumains de cette fin 89 sont si étranges. Tenez, un dernier détail. Vous savez que les nouveaux dirigeants ont prétendu, après la fuite de Ceausescu et même après son procès, que ses partisans n'avaient pas renoncé. On a même parlé de mercenaires arabes. Et c'est vrai qu'on a entendu de nombreux coups de feu nocturnes dans les rues de Bucarest. Les terroristes, comme on les appelait, étaient à l'œuvre. Oui, on a parlé de snipers. Oui. Eh bien, dans la plupart des cas, ces snipers étaient des simulateurs de tir chargés de balles à blanc, du matériel appartenant à l'armée roumaine. Et donc installé par le nouveau pouvoir, mais dans quel but alors? Persuader la population que tout danger n'était pas écarté et qu'il fallait donc faire bloc autour des nouveaux dirigeants. Depuis le début de cet entretien, vous me parlez de manipulation, de complot. Bien sûr, les comploteurs, ce sont les gens qui ont conquis le pouvoir. C'est-à-dire Iliescu, le futur président, non? Oui, mais aussi beaucoup d'autres. Broukhan, par exemple, dont nous avons beaucoup parlé. Et ce qui est notable, c'est que tous ces hommes avaient été, à un titre ou à un autre, des notables du système Ceausescu. Des communistes, hein? Oui, mais des communistes devenus gorbatcheviens. Gorbatchev, nous y voilà. Oui. Oui, le cerveau du complot se trouvait au Kremlin. Gorbi voulait éliminer Ceausescu à condition que le parti demeure au pouvoir. Et ce n'est pas un hasard si les informations sur les prétendus massacres ont été données par des radios influencées par les communistes. Ouais, et les radios américaines comme Radio Free Europe ont aussi participé à la désinformation. Des radios contrôlées par la CIA, c'est juste. Mais Gorbatchev avait passé une sorte de deal avec son homologue George Bush. Un deal préparé par la visite de Brokan en Occident. Et le président américain a donné son accord au complot visant à se débarrasser de Ceausescu. Et vos propres informations alors vous pouvez me le dire maintenant, d'où les tenez-vous? Nous connaissions très bien la Securitate, qui nous avait souvent créé des difficultés dans le passé. Et nous savions que cette terrible Securitate était infiltrée au moins à 50% par le KGB. Il était alors facile d'en conclure que Gorbatchev pourrait liquider Ceausescu quand il le voudrait. Et si vous pensez que je vous raconte des histoires, demandez-vous pourquoi la Securitate, qui faisait si peur aux Roumains, n'a pas été épurée après la Révolution. Révolution ou manipulation? Beaucoup d'auteurs ou de spécialistes vont dans le sens de M. X. Et certains, comme Michel Castex, l'envoyé spécial de l'AFP, n'hésitent pas à accuser Moscou d'avoir piloté l'opération du début jusqu'à la fin. Pour ce journaliste, les instigateurs de cette pseudo-révolution avaient un objectif principal, camoufler la manipulation, accréditer la thèse que la révolution était spontanée, un sanglant soulèvement populaire et rien d'autre, avec tout ce que cela comporte d'héroïsme. On l'avait dans le sang. 25 ans de soumission, de honteuse collaboration. Avouez que c'est flatteur pour le peuple roumain, cela s'appelle rédemption. C'est lui qui se soulève et lui seul. Il s'agissait du même coup d'occulter qu'il ait pu y avoir des préparatifs et des contacts préalables, en d'autres termes que cette révolution ait pu n'être pas si transparente. Michel Castex a publié ce texte chez Albin Michel dans un ouvrage intitulé « Un mensonge gros comme le siècle ». Je vous recommande aussi un autre essai très documenté, « Autopsie du coup d'État roumain » de Radu Portocala chez Kalman Levy. Mais pour être tout à fait honnête, il me faut aussi citer un autre livre paru en 1996, celui de notre ancien ambassadeur en Roumanie, Jean-Marie Le Breton, sous le titre « Mort d'un tyran, paru chez l'Harmattan, ce diplomate réfute toute responsabilité de l'URSS dans la chute de Ceausescu, comme il ne retient pas l'hypothèse du complot interne. À vous de juger. À samedi prochain, et je vous rappelle notre adresse internet franceinter.com.